1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. C'est l'ouvrage de Sylvain Tesson, La Bérésina, paru il y a peu chez Gallimard, qui a inspiré à Franck Ferrand l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Marlène, bonjour à tous. Nous reviendrons à la fin de l'émission sur ce livre passionnant qui est illustré de tout un tas de photographies de Thomas Gouasque et qui raconte une épopée de 4000 km en moto et sidecar. Mais avant cela, je vous propose de revivre les heures terribles de cette Bérésina qui, officiellement, est une victoire française, mais qui évidemment, dans notre langue, est devenue synonyme de catastrophe absolue. Et après votre récit, Franck, vous recevrez Jacques-Olivier Boudon. Jacques-Olivier Boudon, grand spécialiste de l'Empire et qui répondra à mes questions, aux vôtres aussi, sur l'effroyable campagne de Russie. Et puis, après cela, si nous arrivons à vous donner l'envie de vous rendre sur place, eh bien disons que nous serons comblés. Europe 1. 14h, 15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Napoléon, dont l'Empire est à son apogée, a entrepris de conquérir la Russie du tsar Alexandre Ier. Seulement, cette campagne de Russie va tourner au cauchemar. C'est que les Russes utilisent la tactique dite de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'ils détruisent les vivres, les habitations, etc., pour empêcher les soldats ennemis de se ravitailler, même de s'abriter. Ce qui fait que lorsque les troupes françaises arrivent à Moscou, elles sont déjà dans une triste situation. Or, elles vont trouver une ville de Moscou entièrement incendiée sur ordre du tsar lui-même. La chaleur des flammes contraste avec le froid pénétrant de l'hiver qui est en train de s'installer déjà sur la Russie. L'empereur tergiverse. Pendant, ça va durer près d'un mois, il est là dans les ruines fumantes de Moscou, presque entièrement détruites donc. Et il sait bien que l'hiver est proche maintenant. Napoléon va se voir contraint de donner le signal de la retraite. C'est alors que commence une course désespérée de la Grande Armée vers la France à travers les régions dévastées que la Grande Armée avait parcourues à l'aller. La neige a commencé à tomber, la température ne fait plus que descendre et elle va descendre jusqu'au-dessous de moins 30 degrés. Et au fur et à mesure de cette retraite, la Grande Armée, qui comptait au départ plus de 500 000 hommes, se voit réduite à quelques dizaines de milliers de soldats, à peine une centaine de milliers de traînards. C'est un véritable cauchemar. Un chapitre du livre de Jacques-Olivier Boudon, Napoléon et la campagne de Russie, s'intitule « L'Apocalypse ». Eh bien, c'est le mot. Cet apocalypse commence fin novembre 1812, lorsque les troupes se heurtent à un obstacle de taille, une grande rivière, à moitié gelée et dont le franchissement paraît très difficile, la Bérésina. Quand je dis que le franchissement est difficile, il paraît même impossible. C'est vrai qu'il y aurait des ponts pour la franchir, seulement la plupart sont détruits. Le seul pont qui soit demeuré intact est contrôlé par les Russes et la situation a l'air vraiment inextricable pour Napoléon. Ses troupes se retrouvent rapidement encerclées par trois corps de l'armée russe, ceux de Kutuzov, de Wittgenstein et de Tchitchagov. Il faut traverser la Bérésina, coûte que coûte. Au plus vite. La rivière, je vous l'ai dit, n'est pas entièrement gelée, seulement l'eau est bien trop froide pour qu'on puisse traverser à la nage, et en même temps elle n'est pas assez gelée pour qu'on puisse passer dessus. Alors quoi faire? Napoléon envisage de contourner, de passer par le nord, c'est-à-dire d'aller faire le tour complet de la Bérésina. Seulement il se ravise, il voit bien que ce serait trop long, trop compliqué. Il va falloir la franchir, cette maudite rivière. Et pour cela, il faut se résoudre à construire un nouveau pont. Alors pour tromper l'ennemi, Napoléon envoie une partie de ses hommes faire diversion vers le sud. Il faut avoir un tout petit peu de temps pour se donner les moyens de bâtir ces ouvrages, cet ouvrage, puisqu'au départ on pense construire un pont. La ruse fonctionne, Tchitchagov va tomber dans le piège, le voilà parti déjà bride abattu à la poursuite des troupes envoyées par Napoléon vers le sud de la Bérésina. Le 24 novembre, c'est le maréchal Oudinot qui envoie 400 pontonniers sous la direction du général Elbé, sous les ordres, devrais-je dire, du général Elbé. Les pontonniers en question sont des Néerlandais. Vous savez qu'en Hollande, on sait fabriquer des ponts et des digues. Oudinot envoie donc ses pontonniers à un endroit de la rivière qu'il considère comme le meilleur point pour la traverser. On y a quasiment pied, c'est un gué. On doit pouvoir bâtir le pont le plus facile possible, ou en tout cas le moins difficile. Il n'empêche que la tâche est quand même très très compliquée. La rivière est plus large que ce qu'on pouvait imaginer. Elle fait environ 20 mètres de large, quand même près de 2 mètres de profondeur par endroit. Et puis surtout, elle est encombrée d'énormes blocs de glace. Là, il n'y a pas d'alternative. Les hommes doivent se mettre au travail. Et dans le petit village voisin qui s'appelle Studzienka, on en parlera tout à l'heure, dans ce village de Studzienka, on va détruire les maisons de bois pour essayer d'utiliser, de récupérer tous les matériaux. On utilise les rondins, on utilise les clous, etc. pour essayer de bâtir le pont. Alors il va falloir pénétrer torse nu dans l'eau glacée pour ces pontonniers. Une eau tellement glacée que la sensation que l'on ressent, ce n'est pas le froid, c'est une forme de brûlure en vérité. Et il va falloir éviter ces espèces de blocs de glace qui se précipitent sur les gens et qui dérivent évidemment et qui menacent à chaque instant d'emporter non seulement les hommes mais d'emporter l'ouvrage en construction. Il faut imaginer le paysage incroyable que ces hommes ont autour d'eux. L'aspect du paysage était saisissant, raconte François Pils, qui était grenadier dans le corps d'Oudinot, justement. Il a tenu un journal. On a énormément de témoignages sur cette campagne de Russie. La lune éclairait les glaçons de la Bérézina, puis on voyait dans le lointain quelques nuages rougis poussés par le vent qui semblaient passer sur les pointes des sapins. Ils reflétaient les feux de l'armée russe. Ah, quel courage il a fallu à ces hommes pour ne pas succomber à l'hypothermie, tout simplement. Ils sont obligés de se relayer toutes les 15 minutes, mais il y en a évidemment qui perdent connaissance avant ça. Certains tombent morts, sont emportés par le courant. Leurs camarades doivent continuer la tâche, coûte que coûte, sans succomber au découragement. Et évidemment, il faut aussi éviter d'être repéré par les patrouilles de Cosaques qui sont là juste de l'autre côté du fleuve. Heureusement, ce jour-là, il n'y a pas beaucoup de Cosaques, ils ne sont que quatre. Les rives marécageuses de la rivière rendent le travail également très difficile parce que on enfonce dans cet ouvrage impossible. Vous avez peut-être reconnu cet extrait de la 7e symphonie de Beethoven. Bel après-midi sur Europe 1, au cœur de l'histoire, c'est jusqu'à 15h avec vous Franck Ferrand. Vous nous emmenez en Russie en 1812 et vous revenez sur les heures glaciales de la Bérézina et la retraite de Napoléon. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Nous sommes en pleine campagne de Russie. Napoléon et sa grande armée, encerclés par les Russes, doivent traverser la rivière à moitié gelée qu'est la Bérézina. Dans cette situation critique, comment réagit Napoléon ? Est-ce qu'il perd son sang-froid ? Non, vous savez, Napoléon n'est pas du genre à perdre son sang-froid. On peut dire que l'empereur contemple le spectacle extraordinaire de ces hommes qui construisent ce pont au-dessus de la Bérézina. Évidemment qu'il est inquiet. Il sait qu'il faut aller vite, très vite même, ne pas être repéré par les Russes. C'est ça le véritable danger. Alors, il va témoigner, on peut le dire, dans cette circonstance, comme dans beaucoup d'autres, au cours d'une carrière tellement hors du commun, il va témoigner d'un grand sang-froid. Il ne cède jamais à la panique. Ces hommes sont rassurés par sa présence. On se dit que si l'empereur a pris la décision de traverser cette rivière, eh bien c'est que ce doit être la bonne décision. La confiance est encore terrible. Aux alentours de midi, un premier pont commence à se dessiner, il prend forme, il fait près de 100 mètres de long quand même, hein, pour 4 mètres de large, et puis un deuxième pont qui va servir à faire passer l'artillerie, les canons. Il neige à ce moment-là, mais il neige énormément, et le froid est encore plus intense. Le maréchal Oudinot entraîne ses hommes sur le pont au cri de « Vive l'empereur !» et ça marche encore et on continue et on avance. Néanmoins, avec le poids des hommes, le pont, il faut dire que ce pont est très bas, il est à peine au-dessus du niveau de l'eau, le pont se met à vaciller, à s'affaisser régulièrement dans la bordure marécageuse de la rivière, ce qui fait que les hommes qui sont du mauvais côté ont de l'eau quasiment jusqu'au mollet. Hein. Il faut pénétrer de nouveau dans l'eau glaciale pour redresser ce pont, on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Et le lendemain, à l'aube, la Grande Armée continue sa traversée de la Bérézina. Ce sont maintenant des milliers d'hommes qui attendent pour franchir la rivière. Une fois la garde impériale passée sur l'autre rive, Napoléon et son état-major vont pouvoir, à leur tour, s'engager sur le pont. Alors suivent Ney, Murat avec leurs hommes, le prince Eugène accompagné de plusieurs centaines d'Italiens. Les soldats doivent se faire le plus discret possible, ça vous l'aurez compris. Mais le pont vacille tellement que parfois il se bouscule, il y en a qui crient bien sûr. Certains tombent à l'eau, une eau dont je n'ai même pas besoin de vous préciser la température. Voyez les accès de violence que ça peut supposer, les encombrements, la bousculade. Des chevaux se coincent les jambes dans les planches de bois. Il faut continuer à traverser malgré tout. Tout ça est une véritable vision d'apocalypse. Et au fur et à mesure de la journée, un nombre toujours plus grand de traînards. Les traînards, ce qu'on appelle les traînards, ce sont ces soldats qui sont restés en arrière de la troupe. Mais il n'y a pas que, il n'y a pas que des militaires. Hein. Vous avez des civils, pas mal de blessés, bien entendu, qu'il faut transporter pour certains. Les cantinières, tout ce monde-là afflue aux abords du pont. La priorité pour la traversée est donnée aux forces vives de l'armée, bien entendu, aux soldats. Et donc les traînards, en attendant leur tour, eh bien, s'installent le long de la rivière, on allume des feux, on fait cuire ce qu'il reste de maigres provisions dont on estime qu'on va finir par trouver la faim. Le froid est tel que ceux qui sont là autour des feux de camp ne sentent même plus la chaleur de ces feux. Il faut imaginer ces gens qui ont des membres engourdis. Certains s'approchent tellement près des flammes qu'ils finissent par se brûler. Il y en a même qui meurent, dévorés par les flammes. Et la nuit venue, ils vont prendre leur sac en guise d'oreiller, se rapprocher les uns des autres pour essayer de se tenir chaud, si je puis dire, pour essayer d'avoir un peu moins froid dans ce vent toujours plus glacial. C'est Jean-Claude Guibaud qui parle de l'horreur blanche. Les larmes et la morve des enfants gèlent sur les visages avant même de couler, écrit-il. Les pieds gelés n'ont plus qu'un ou deux doigts à demi putréfier les autres étant tombés. Napoléon est de l'autre côté du fleuve, avec la garde, les soldats de Ney et d'Oudinot qui ont pu traverser. Ils continuent, eux, de guetter l'arrivée des Russes qu'on imagine imminente. Et soudain, des tirs retentissent. Oudinot d'ailleurs est touché. Napoléon charge Ney de prendre le commandement des troupes. Et face aux hommes de Tchitchagov, qui sont plus de 30 000, les soldats de Ney vont devoir essayer de résister. Alors qu'ils sont en très très très nette infériorité numérique. Ils sont moitié moins tout simplement. Il y a, quand on dit des soldats, n'oubliez pas qu'il y a des Français bien sûr, mais aussi des Suisses, des Polonais, des Croates, quelques Italiens, des Néerlandais. On parlera de ça dans un instant avec Jacques-Olivier Boudon. Et tout le monde gelé, tout le monde fatigué bien entendu. Il faut puiser dans ses dernières forces, il faut réunir toute l'énergie qui est encore disponible pour essayer de charger les Russes. Et c'est une tuerie terrible. La grande plaine de neige a désormais pris pris une couleur rosâtre avec littéralement des sillons de sang qui coulent. Les combats sont vraiment très sanglants. La bataille fit rage toute la journée, nous dit Adam Zamoïski dans la campagne tragique de Napoléon en Russie. C'est pire qu'une boucherie, nota Jean-Marc Bussy. Partout le sang sur la neige qui est battue comme une grange à force d'avancer et de reculer. On n'ose plus regarder à droite ou à gauche, crainte de ne plus voir son ami, son camarade. Les combats, poursuit Zamoïski, étaient si acharnés que les soldats en oubliaient le froid et s'encourageaient au cri de « Vive l'empereur !» La lutte ne cessa qu'à 23 heures quand les Russes capitulèrent, n'ayant pu repousser les défenseurs de leur position du matin. C'est donc une victoire que la Bérézina, une victoire pour la France, mais une victoire à quel prix ? De l'autre côté du fleuve, des milliers de traînards n'ont toujours pas pu traverser la Bérézina. Les troupes russes menacent maintenant d'attaquer ceux qui sont coincés de l'autre côté. Vous pouvez bien entendu réagir et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité du jour, on le rappelle, l'historien Jacques-Olivier Boudon, président de l'Institut Napoléon et directeur de publication de la revue de l'Institut Napoléon, sur Twitter, tout d'abord avec le hashtag ACDH, sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou encore sur Europe1.fr. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors aujourd'hui, Franck, vous nous parlez de l'un des pires épisodes de la campagne de Russie en 1812. Et c'est au tour de l'arrière-garde de Napoléon de passer la Bérézina. Et oui, enfin d'essayer d'y passer pendant que les Russes sont là, qui menacent. Vous imaginez la situation dans les rangs des traînards. On cède à la panique, bien entendu. Et d'autant plus que de l'autre côté, Napoléon a donné l'ordre de brûler les ponts pour couper aux Russes le passage de la Bérézina, ça c'est un spectacle tragique. Des hommes, des femmes, des enfants qui se précipitent vers les ponts, qui se bousculent comme ils peuvent pour traverser tant que le pont est encore là, au rythme des obus russes qui s'abattent partout autour. Certains tombent à l'eau, la foule est si compacte qu'on ne peut bien sûr plus du tout avancer. Il y en a qui sont broyés carrément, serrés comme dans un étau. Une femme s'élance sur un cheval directement dans la rivière glacée. Elle a son fils dans les bras. Évidemment, le cheval se noie et la femme se retrouve au milieu de la rivière. Son fils lui échappe, il dérive avec le courant, bien sûr, impossible de le rattraper. Sur le pont, ceux qui trébuchent sont immédiatement piétinés. Ils s'accrochent tant bien que mal aux jambes de ceux qui sont encore debout. Ils se cramponnent en implorant du secours. Ayez pitié, on marche sur des cadavres d'hommes, de femmes, d'enfants, de chevaux, bien sûr. C'est Balzac, le grand Balzac, qui dans son roman Le médecin de campagne fait raconter au commandant Genestas cet épisode. C'était pendant la retraite de Moscou, écrit-il. Nous avions plus l'air d'être un troupeau de bœufs harassés que d'être la grande armée. Il n'y avait plus ni discipline ni drapeau. Chacun était son maître. Le 29 novembre, vers 5 heures du matin, le général LB donne l'ordre de mettre le feu aux chariots et aux véhicules qui jonchent encore la rive afin de presser les derniers traînards. Et puis, vers 7 heures du matin, eh bien, on met donc le feu au pont. Et parmi ceux qui étaient déjà sur les ponts, évidemment, il faut échapper à cet incendie, mais c'est une chose horrible. Certains se jettent à l'eau pour échapper aux flammes, pour traverser à la nage. Évidemment, la plupart meurent dans les décombres de l'incendie. Et le lendemain matin, alors qu'un vent glacial continue de souffler, je ne vous le dis pas toutes les minutes, mais imaginez qu'il ne s'arrête pas ce vent-là, bien entendu, dans ce vent terrible, les troupes russes de Tchitchagov vont arriver sur les lieux du drame et découvrir toute l'horreur de la scène. La première chose que nous vîmes fut une femme qui s'était écroulée et qui avait été prise par la glace, nous dit le capitaine du génie Martos, qui justement accompagnait Tchitchagov ce jour-là. Un de ses bras avait été arraché et ne tenait plus que par une veine, tandis que l'autre serrait un bébé dont les bras s'enroulaient autour du cou de sa mère. La femme vivait encore et ses yeux expressifs étaient fixés sur un homme tombé à côté d'elle et déjà gelé. Entre eux, sur la glace, gisait leur enfant mort. On ne pourrait multiplier les exemples de l'abomination. C'est effrayant. Il y avait un certain nombre d'officiers français dans l'état-major de Tchitchagov. C'était des royalistes qui s'étaient retrouvés du côté des Russes. C'est le cas notamment du lieutenant Louis de Rochechouart. Et voilà ce qu'il nous dit. on voyait amoncelés des cadavres d'hommes, de femmes et même d'enfants, des soldats de toutes armes, de toutes nations, gelés, étouffés par les fuyards ou atteints par la mitraille russe, des chevaux, des calèches, des canons, des caissons, des fourgons abandonnés. Je vis sur le pont une malheureuse femme assise, ses jambes pendaient en dehors du pont, prise dans la glace. Elle tenait collée à son sein un enfant gelé depuis 24 heures. Elle me supplia de sauver cet enfant, ne s'apercevant pas qu'elle me présentait un cadavre. Elle-même ne pouvait mourir malgré ses souffrances. Un cosaque lui rendit le service de lui tirer un coup de pistolet dans l'oreille pour faire cesser cette déchirante agonie. Et je vous dis que des témoignages comme cela, on pourrait en trouver tellement. Pendant ces 3 jours, les Français ont perdu plus de 25 000 hommes et la grande armée est complètement détruite. Vous comprenez pourquoi, malgré la victoire du bulletin officiel, vous comprenez pourquoi le nom de Bérézina est entré dans le vocabulaire français comme l'équivalent d'une défaite. C'est vrai que c'était une victoire, mais au-delà de cette victoire, le souvenir, c'est celui d'une des plus épouvantables épreuves que Napoléon aura jamais infligée à des hommes qui pourtant, au cours de ses nombreuses campagnes, de ses nombreuses guerres, en avaient vu d'autres. Bonjour Jacques-Olivier Boudon. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir pour parler non seulement de la Bérézina et de la retraite de Russie, mais d'une façon plus générale de cette campagne terriblement meurtrière. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. 14h30, il est temps de vous donner la parole à votre invité, Franck Ferrand, l'historien Jacques-Olivier Boudon, spécialiste de la Révolution française et du Premier Empire, qui se trouve être aussi président de l'Institut Napoléon, auteur d'un ouvrage paru aux éditions Armand Collin en 2012, et qui a pour titre Napoléon et la campagne de Russie 1812. Je vous cite Jacques-Olivier Boudon dans votre « Napoléon et la campagne de Russie ». Étudier, dites-vous, la campagne de Russie nécessite de s'interroger, plus encore que pour d'autres campagnes, sur le bilan humain qu'elle a entraîné, sur le quotidien des soldats, sur les souffrances endurées, sur la violence partagée, de revenir sur les transformations d'une armée naguère présentée comme un vecteur de civilisation et devenue, en quelques semaines, un lieu de déshumanisation. C'est vrai qu'on est allé très loin, on a l'impression d'une campagne, d'un conflit parfaitement contemporain, des horreurs telles que celles qu'on pourra connaître ensuite au milieu du XXe siècle. Des horreurs et en même temps des horreurs qui sont liées pas tellement à la guerre, mais plutôt à l'environnement, qui explique, bon, on a beaucoup parlé du général hiver, de ce froid qui s'est abattu sur les hommes, de ce territoire qui est très ingrat, qui est très dur également. Ce sont tous ces éléments qui vont contribuer à ce climat particulier et à ces affrontements terribles. Et c'est une apocalypse, le terme est souvent employé, une apocalypse qui marquera tout l'imaginaire d'une génération, disons-le. On retrouve sous la plume de tous les grands auteurs du milieu du XIXe siècle le souvenir cuisant de cette campagne de Russie. Ceux qui sont revenus se considèrent vraiment comme des survivants. On peut considérer ils le sont du reste. Ils le sont. Un sur deux à peu près reviennent. Donc ils ont vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, l'expérience vécue, quand elle a été surmontée, est en quelque sorte sublimée. C'est aussi ce qui fait tout le charme de cette campagne. Et ça donne aux vétérans une dimension. Évidemment, ce sont des héros. Ils ont survécu à cette apocalypse. Et même s'ils ont du mal à exprimer ce qu'ils ont vécu, ceux qui le font ont le sentiment finalement de contribuer aussi à une œuvre collective. Ils ressuscitent en quelque sorte ceux qu'ils ont laissés morts sur le terrain. Ceux qui ne sont pas des héros dans l'affaire, ce sont les chefs. Et en l'occurrence, c'est Napoléon lui-même. Le départ de l'empereur a pu être vécu par certains comme une véritable traîtrise. Les soldats qui apprennent la nouvelle de son départ au début du mois de décembre vivent très mal cet abandon, parce que même si Napoléon était entouré de sa cour, de la maison de l'empereur qui veillait à ce que tout se passe bien, il n'a jamais manqué de rien. Ah bon, lui, non. Il a eu froid, bien sûr, comme tout le monde, mais il n'a jamais manqué de rien. Mais sa seule présence permettait de maintenir le moral dans les troupes. À partir du moment où il s'en va, là, c'est vraiment le début de la fin. Ils ont le sentiment d'être abandonnés et de fait, les conditions qui étaient déjà terribles vont s'aggraver encore et ces hommes vont finalement se laisser mourir pour un certain nombre d'entre eux. Le début de la fin, c'est l'expression qu'avait employée Talleyrand, du reste, hein, pour parler d'une façon plus générale de la campagne de Russie. Il dit qu'à partir de la Russie, c'est le début de la fin. On verra dans un instant pour quelles raisons. Pour des raisons politiques et géostratégiques évidentes. Napoléon a montré une faiblesse. Il n'est plus l'homme invincible à partir de la Russie. Revenons peut-être encore quelques minutes sur les conditions absolument terribles et inhumaines de cette campagne. On a parlé d'actes de cannibalisme. Vous souscrivez-vous à cette version? Beaucoup de témoignages vont dans ce sens, même s'il est difficile après l'Empire de raconter ce qui a été vécu, et ceux qui le racontent le font en disant finalement que ce sont les autres qui pratiquent le cannibalisme. Mais il faut penser que les survivants l'ont aussi fait. Je pense à l'officier Soltnik, qui est un Polonais, qui raconte qu'il mange de la soupe et il découvre un morceau de viande qu'il trouve assez goûteux et on lui explique que c'est un foie humain. Évidemment, il le rejette car c'est un tabou que personne ne veut transgresser. Et en même temps, cette pratique du cannibalisme, qui est assez courante, que j'ai évoquée depuis dans l'affaire du naufrage de la Méduse, montre à quel point on en est arrivé de déshumanisation au cours de cette campagne. Avec des pertes dont il faut encore souligner le chiffre gigantesque, hein, c'est tout à fait inhabituel au XIXe siècle. Hein. Oui, si l'on estime qu'il y a environ 500 à 550 000 hommes qui ont franchi le Niémen, on peut considérer qu'à peu près 1 sur 2 est rentré. Incroyable. C'est-à-dire une perte de 250 à 275 000 hommes. Ça représente probablement le quart ou le cinquième de l'ensemble des pertes des guerres napoléoniennes du côté de la Grande Armée. Donc c'est énorme. Ça fait penser aux pertes qu'on connaîtra plus tard au moment de la Première Guerre mondiale. Hein. Ce sont des pertes énormes en quelques semaines seulement, parce que l'essentiel des pertes se concentre sur les semaines de la retraite et sur ce qui va suivre, puisque beaucoup de soldats qui meurent sont en fait des prisonniers captifs qui vont mourir des suites de leurs blessures, des mauvais traitements infligés par les Russes. C'est assez étonnant de voir à quel point, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une légende qui vient se tisser, bien entendu. Il y a l'aura qui couronne les vétérans. Mais c'est étonnant de voir à quel point cette retraite de Russie va devenir un des grands moments de l'épopée nationale, en dehors même de la saga napoléonienne d'ailleurs. Certains en ont été les chantres et les aèdes. Je pense à Victor Hugo, hein, bien entendu. Il neigeait, on était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait, là, prix vert fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau. Très important ce vers. On voit se déstructurer la belle armée napoléonienne à ce moment-là. Et la hiérarchie elle-même finit par fondre dans les neiges russes. Oui, encore que les officiers s'en tirent mieux quand on fait le bilan. On évoquait un homme sur deux parmi les pertes. Si on regarde les officiers, c'est plutôt 20%, même peut-être un peu moins de 20%. Les officiers qui ont des chevaux, même s'ils finissent par mourir, qui ont des domestiques, finalement survivent beaucoup mieux à la campagne. Mais il y a quand même eu de très nombreux officiers, des officiers généraux notamment, qui sont restés, y compris des fatigues endurées pendant la campagne. Alors, un paradoxe passionnant dans cette affaire, c'est que la Bérézina, dont le nom même est devenu en français courant le synonyme de la catastrophe et de la dégelée, si vous me passez l'expression, la Bérézina est une victoire, qu'on le veuille ou non. C'est une victoire tactique des Français, le gros de l'armée française, c'est-à-dire les hommes encadrés, parviennent à franchir la rivière avec Napoléon, son état-major. En revanche, on laisse sur la rive opposée tous les traînards, les maraudeurs qui n'ont pas eu le temps de passer et qui seront des proies très faciles pour l'armée russe et des victimes quasiment immédiate. C'est ce qui explique qu'on ait attribué à la Bérézina cette dimension apocalyptique. Et finalement, la Bérézina est venue concentrer l'ensemble de la retraite. Elle signifie le désastre qui a été vécu pendant toute la retraite de Russie. Dans un instant avec vous, nous repartons, si je puis dire, en Russie, voir ce qu'il reste aujourd'hui de cet extraordinaire événement. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. l'histoire se poursuit avec vous, Franck Ferrand, suite de votre entretien avec votre invité du jour, l'historien Jacques-Olivier Boudon, spécialiste de la Révolution française et du Premier Empire, mais aussi président de l'Institut Napoléon et directeur de publication de la revue de l'Institut Napoléon. Oui, Jacques-Olivier Boudon, dans votre ouvrage « Napoléon et la campagne de Russie » qui était paru pour le bicentenaire en 2012, donc chez Armand Collin, vous écriviez « On ne peut manquer d'être frappé par la démesure des moyens engagés pour cette campagne. Plus de 600 000 hommes sont massés en Allemagne et en Pologne, prêts à fondre sur la Russie. Jamais une telle force n'avait été réunie par Napoléon. Il fait ainsi la démonstration de sa capacité à mobiliser très largement au-delà des frontières de l'Empire, puisque la Grande Armée associe des soldats originaires de la plupart des pays européens alliés de la France. » C'est un des aspects de cette campagne de Russie qu'on a tendance parfois à oublier. Il n'y avait pas que des Français dans les rangs napoléoniens. C'est une guerre qui voit s'affronter l'Europe napoléonienne avec ses composantes, allemands, polonais, italiens, il y a même des Espagnols et des Portugais, contre la Russie seule face à cette coalition, puisque bien sûr il y a les Anglais sont alliés de la Russie, ils fournissent de l'argent et des armes mais pas d'hommes, les Suédois c'est la même chose, ils sont alliés de la Russie mais on ne voit pas de Suédois sur le terrain, donc ce sont les Russes et eux seuls qui affrontent cette guerre et qui du reste vont à travers cette guerre se remobiliser. Et on peut considérer que 1812 de ce point de vue-là a représenté un sursaut national et une forme de naissance de l'identité russe. L'identité russe, et il y a un homme qui a merveilleusement compris cela, du reste il comprenait bien des choses, c'est le tsar en personne, c'est Alexandre Ier, que Napoléon a peut-être eu tendance à sous-estimer dans cette affaire. Il le connaissait bien depuis Tilsit pourtant. Il l'avait rencontré en 1807, il le sous-estime mais il ne le considère pas comme un chef de guerre. C'est ça, c'est curieux. Il ne le considère pas non plus comme un grand chef d'État. Or, Alexandre, qui a tout de même subi plusieurs affronts, il a été vaincu en 1805 à Austerlitz, il a été vaincu en 1807, mais il a su se maintenir à la tête de son État et surtout, il a su développer cette stratégie qui est d'attirer l'armée française à l'intérieur du territoire russe, en sachant que à la fois l'immensité du territoire et le climat, l'inertie russe auront raison de l'armée française. Bien sûr, on revivra la même chose, si l'on peut dire, avec l'invasion de l'Union soviétique par les troupes hitlériennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Même stratégie, si je puis dire, de la part de Staline. C'est-à-dire, venez, enfoncez-vous dans l'immensité russe. Et vous verrez, le bonhomme hiver va faire son travail. Napoléon n'a pas compris cela. Il était habitué à des mouvements rapides, à des actions de surprise, à une guerre dynamique. Et le voilà empêtré dans cet hiver qui vient en quelque sorte se refermer sur lui comme une énorme mâchoire. C'est une erreur énorme de la part d'un Napoléon. Ça, c'est étonnant tout de même. Alors en fait, il sait que l'hiver va arriver. Et ce qu'il espère, c'est obtenir une victoire décisive très rapidement. Et d'ailleurs, quand on regarde la chronologie, la victoire de la Moscova début septembre, l'entrée dans Moscou et la décision de partir Moscou, le 19 octobre... En ruine, en cendres, mais où tout de même il y avait de l'approvisionnement. La décision de partir le 19 octobre aurait dû lui permettre de se replier, sinon en Pologne, mais du moins du côté de Smolensk, par exemple. En fait, c'est la précocité de l'hiver de 1812 qui lui est fatale. L'hiver est plus précoce d'environ 3 semaines. Donc on ne peut pas dire qu'il ait fait un mauvais calcul, mais il a joué très juste sur la chronologie. Il s'est trop attardé en Russie et sans doute aussi est-il allé trop loin en allant jusqu'à Moscou. Je ne veux pas faire d'astrologie historique, mais je pense que les astres n'étaient pas favorables à Napoléon en cette année 1812, parce que le désastre russe s'accompagne de grands désordres internes. À Paris, tout va mal. C'est ce qui va d'ailleurs le pousser à revenir très vite, peut-être trop vite. À Paris, on essaye de le supplanter, le général Mallet, isolé, incroyable, qui sort d'un asile de fous, pratiquement, qui parvient à faire arrêter le ministre de la police, le préfet de police, à les mettre en prison et à laisser croire qu'il va pouvoir organiser un gouvernement provisoire. C'est tout à fait hallucinant, mais en quelques heures, le régime de Napoléon a été complètement déstabilisé avant de reprendre la main. Alors si nous parlons aujourd'hui de la Bérézina et de cette campagne de Russie et de cette terrible, effroyable retraite, c'est pour saluer la sortie de la version illustrée du livre de Sylvain Tesson, La Bérézina, qui vient de paraître chez Gallimard, qui est un ouvrage absolument... Je ne sais pas si vous l'avez vu, Jacques-Olivier Boudon. Je l'ai lu. C'est un livre vraiment formidable. On est avec les trois compères là dans leur épopée russe. C'est une idée qu'avait déjà eu d'ailleurs Jean-Paul Kaufmann à propos d'Austerlitz, d'aller, de retourner sur les lieux pour vivre un moment du passé comme oui, ça, à deux siècles d'écart. Voilà, refaire la route pas les mêmes conditions. Non, évidemment, c'est des moto sidecar en l'occurrence. Ils sont en moto sidecar, mais c'est tout à fait intéressant en effet de voir refaire ce trajet. Alors il n'est pas le premier, il y a beaucoup d'admirateurs de Napoléon qui ont fait cette route mythique depuis Moscou jusqu'à Paris. Alors, en passant par Borodino, bien entendu, bien lieu de la bataille de la Moscova, tout à fait extraordinaire, avec le monument à Kutuzov, enfin, il revoit tout ça, bien sûr. C'est un lieu très préservé et très intéressant à voir, avec un musée également, et on repère tout à fait les lieux tels qu'ils pouvaient être à l'époque. Entre parenthèses, moi c'est la chose qui m'avait le plus frappé les deux ou trois premières fois que je suis allé en Russie, c'est que les gens ne vous parlent que de Napoléon. Il y a une présence de cette guerre spécifique, de cette campagne et de ce personnage de Napoléon, phénoménal en Russie. Hein. C'est encore d'actualité quasiment. À Borodino, on voit Napoléon, on voit très peu Kutuzov et Alexandre. C'est vraiment Napoléon, le héros de la bataille. Alors vous parliez de musée. Il y a au bord de la Bérézina, il y a le musée de Borisov justement, où on voit, alors là il y a des drapeaux, des uniformes, des armes, des cartes murales, etc. On peut voir également... On peut préciser pour la Bérézina qu'il y a une équipe actuellement de Français, dirigée par le Centre des études napoléoniennes, qui fait des fouilles pour retrouver des objets qui auraient été laissés par des soldats de la Grande Armée au bord de la rivière. Alors on passe ensuite à Studianka, et puis Vilnius, ça c'est très important, il faut préciser d'ailleurs ce passage par Vilnius. Vilnius, c'était la plaque tournante, l'une des premières villes conquises par les Français, où s'installe le Marais, et qui fait la correspondance entre Moscou et Paris. Vilnius, qui voit arriver ce qui reste de la Grande Armée début décembre, dans une totale consternation, parce que la ville vivait très tranquillement, on avait même célébré l'anniversaire du 2 décembre, et on voit ces hommes complètement perdus arriver, qui sont complètement débandés, qui vont piller la ville, c'est une catastrophe, et tout le monde doit partir devant l'arrivée des Cosaques et des Russes. Alors on va continuer ce voyage sur les traces de Napoléon dans un instant, en essayant de mettre en avant ce qu'il reste aujourd'hui de toute cette aventure terrible. Europe 1, au cœur de l'histoire. Pomme. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors Franck, on poursuit notre voyage sur les traces de Napoléon au temps de la Bérézina. Oui, je rappelle que l'ouvrage de Sylvain Tesson, Bérézina, avec des photographies de Thomas Gouasque, est publié chez Gallimard. C'est un album qui a une bonne main d'ailleurs et qui est plein de photographies évidemment contemporaines. C'est la Russie d'aujourd'hui. Ce qui frappe peut-être le plus Jacques-Olivier Boudon, c'est que cette Russie d'aujourd'hui, elle n'est pas tellement différente, somme toute, et que les lieux historiques qui sont visités par nos globe-trotteurs sont en quelque sorte restés dans l'état où ils ont pu être il y a deux siècles, en 1812. Oui, les Russes ont conservé les lieux en l'état. Alors, il est vrai que Moscou s'est beaucoup agrandi depuis l'époque de Napoléon. Moscou, d'ailleurs, qui a complètement changé de visage après l'incendie et les réfections qui ont été organisées par Alexandre. C'était un grand plan de restructuration. Mais pour ce qui est des champs de bataille et du parcours lui-même, il a finalement assez peu évolué. Sauf que je dirais, il faut presque autant de temps pour y aller en voiture qu'à l'époque. J'exagère un tout petit peu. Mais quand vous allez de Moscou à Borodino, vous apercevez que c'est toujours très long. Oui, ça n'a pas changé. Ça fait partie des constantes russes d'une certaine manière. Le voyage de Sylvain Tesson et de ses amis passe donc par Vilnius, on le disait, et par le cimetière d'Antakalnis, hein, qui est au nord-est, où il y a une plaque qui dit « Ici reposent les restes des soldats de 20 nations qui composaient la grande armée de l'empereur Napoléon Ier, morts à Vilnius au retour de la campagne de Russie en décembre 1812, et puis continue par Augustov et par... ils finissent en Pologne, hein, à Varsovie, et à Poznan, dans l'ouest de la Pologne. Poznan, qui est une très belle ville par ailleurs, avec son théâtre, avec son hôtel de ville très spectaculaire, entièrement remanié au début du XXe siècle, mais qui est assez beau, ses maisons colorées, etc. Il y a une part touristique, bien sûr, dans le livre de Sylvain Tesson, qui est publié chez Gallimard. C'est étonnant qu'on puisse avoir aujourd'hui quasiment, sinon la nostalgie, mais en tout cas une certaine tendresse pour des souvenirs qui, lorsqu'on les regarde de près et lorsqu'on lit notamment les témoignages de tous ceux qui ont pu raconter ce qu'ils ont vécu, car il y a beaucoup de témoignages de cette grande armée en déroute, nous paraît aujourd'hui tout simplement effroyable. C'est curieux qu'on puisse en quelque sorte s'attacher à ces mauvais souvenirs. C'est le paradoxe de l'épopée napoléonienne. Si l'on regarde de très près, si l'on examine à la fois les pertes humaines, les conditions des combats, la dureté qui a été vécue, les traumatismes dont on parle peu mais qui sont présents, et que l'on voit l'engouement qu'il y a pour cette période, on peut être étonné, mais je crois que ça tient au fait que c'est justement une épopée, c'est-à-dire un récit qui est fait de haut et de bas, d'actions héroïques et aussi de désastres. Et c'est ce qui fait tout le charme de la période napoléonienne, c'est justement cette ambivalence qui fait qu'encore aujourd'hui, bien sûr, il y a des détracteurs de l'Empire, mais il y a aussi des gens qui s'y intéressent, voire qui sont des admirateurs de cette période. Il semblerait que Napoléon lui-même n'ait pas eu la honte de ce qui s'était passé d'une certaine façon. Il avait déjà quitté son armée en Égypte pour revenir prendre le pouvoir en France 16 ans plus tôt. Là, pas 16 ans, 13 ans, pardon, plus tôt. Là, on a le même sentiment. Il revient à Paris en laissant tout le monde derrière lui. Il n'en éprouve pas visiblement de remords. Il met tout sur le dos du climat, le fameux général hiver, dans le bulletin. Alors il a envoyé, avant d'arriver, un bulletin qui est déjà assez catastrophique, mais qui minimise malgré tout les pertes qui arrivent à Paris un tout petit peu avant lui, à la mi-décembre 1812. Et puis ensuite, il va vouloir remobiliser l'opinion publique et expliquer qu'en fait, il n'a pas été vaincu militairement, ce qui est juste, et que si il a dû repartir de Russie, c'est parce qu'il a été la victime de l'hiver russe. Et ce qui était assez stupéfiant, c'est de voir que les soldats qui mouraient après des souffrances indescriptibles mouraient encore au cri de « Vive l'Empereur !» Ça n'a pas entamé d'une certaine manière sa popularité. En revanche, ça a entamé sa crédibilité aux yeux des autres chefs d'État de ce qui va devenir la nouvelle coalition, en fait. Ils se sont rendus compte que Napoléon n'était pas invincible et que s'ils se liguaient entre eux, ils pouvaient parvenir à le détruire. Et c'est ce qui va se faire, puisqu'à partir de 1813, toutes les puissances européennes, pour la première fois depuis le début des guerres de la Révolution, vont s'unir contre Napoléon, avec la Russie qui en est l'un des pivots, l'Angleterre, mais aussi la Prusse, l'Autriche, la Suède. C'est toute l'Europe entière, il y a un retournement complet, c'est toute l'Europe entière qui se dresse contre Napoléon et désormais le rapport de force est en faveur des ennemis de l'Empire français. Merci beaucoup Jacques-Olivier Boudon, président de l'Institut Napoléon. Vous êtes d'ailleurs le directeur de la publication de la revue de l'Institut Napoléon. Oui. Et nous avons relevé pas moins de 6 ouvrages dans lesquels vous réservez de longs passages à cette campagne de Russie, dont Napoléon et la campagne de Russie chez Armand Collin. Merci beaucoup. Merci à vous.